fondation, la FAC, ça veut dire Fondation Lausanne Contemporaine. C'est le journaliste Laurent Delannoy qui a fondé cette fondation. Et puis, il demande à des artistes de faire une estampe en 10 exemplaires. Et c'est pour inviter les visiteurs à commencer une collection, parce que chaque estampe, c'est un modèle unique, c'est un exemplaire unique, et chaque exemplaire coûte 200 francs. Donc, elle a travaillé ça avec Raymond Meyer de Lutric, un des meilleurs ateliers. Il y a Raymond Meyer et puis l'autre, c'est Reynald Metro. Donc, elle part d'un monotype, puis chaque fois, elle fait donc le monotype chez Raymond Meyer, et ensuite, chaque exemplaire est retravaillé. D'accord. Il y en a un que tu aimes particulièrement ou que tu n'aimes pas particulièrement. Oui, mais je l'aime. Ah, là, il est bon, hein. La dame qui est venue avant de laisser ses coordonnées, c'est entre les deux. Non, c'est pas vrai, pas celui-là. Le rouge est celui qui est de côté. Le rouge est trop violet. Mais celui-là, là-bas, cette couleur, cette lumière hein, qui passe. C'est extraordinaire. Qui ne part qu'entre le haut. Ouais, hein, c'est magnifique. Tu vois, c'est entre l'abstrait et le figuratif. Oui. Quand tu regardes comment elle fait ses petites fleurs et chaque étage. Chaque, oui, oui, c'est regardé tout près. Il y a des. Alors, c'est ce que j'ai dit avec les œuvres. Ça, c'est comme une interrogation. Thank you. des